Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. C'est le temps d'un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 17 janvier 2011. T'es standre ce matin, Mathieu. Ah, merci, comme une barre. Comme une barre? Comme un bon steak à prêter. Moi, une barre tendre. T'es pas si tendre que ça. Faut pas charrier. Notre émission matinale en pièces détachées, petits morceaux, là, plum, plum, un par-dessus l'autre. Bing, bing, bing, bing. Pyramide, tu peux faire la forme que tu veux avec ces morceaux-là. Pong, pong. Pong, pong. Ça sonnait bon. Ah, merci. En unisson, je trouvais ça particulièrement déplaisant, mais bon. Ah. Ouais, la, très la, bonne. La, la, la. Tu fais tes vocalises ce matin? La, la. Oui. Fais attention, le foie peut altérer tes cordes vocales. Ah oui. Mm. Tu connais ça? Oui. Ouais. Ouais. La la la. Steel Train. Steel Train. Avant d'entendre c'est le bon, groupe. C'est très très bon. Je te bravo sais. Mathieu. Ben, merci. Félicitations. T'es super, c'est super excellent. Ben bravo. Ben, c'est, merci. C'est fini? Oui. Ah, il y a des journées comme ça, t'as vu, il fait très très froid. Ça nous a ralenti nos ardeurs au niveau, au niveau mentalement. Oui, mentalement, parce que là. Je ne voudrais pas trop de détails sur ta vie matinale, mon François-Olivier. Hein? Ah, ben, alors, me lève, c'est tranquille dans ta barouette. Donc, je te disais qu'on allait faire jouer les trois en même temps. Donc, je me gâte avec une pub par le fait même. On est rendu à la pub 5. Attends, un peu, pas la pub par-dessus. Ah, oui. Non, pas la pub par-dessus, ce serait trop méchant. Ah, non, okay. Les trois chansons d'abord. OK. Pas écoutable, hein? Non. Non? Ben, Some assembly required. Some... c'est quand je fais mon anglophone, hein? C'est assemblage requis, hein? C'est... Mathieu Plante International. Worldwide Pants. Ah oui, as-tu eu un fou rire que tu peux pas arrêter de rire? Oui. Ah ouais? Je me rappelle pas quoi, mais... C'est pas à cause d'une blague que j'avais faite sur ma non, non, non, non, non. Ça m'aurait surpris, d'ailleurs. Crazy, crazy man. Crazy, crazy, crazy. Live, c'est moins beau. Hein. Ouais, c'est pas super. Non, tu l'as bien. Ouais. Oh oui. Ouais. Mm-hmm. Ah ouais. Mm-hmm. T'as dit. Ah ouais. T'as dit. Ah ben. Ben, OK. Eh ben. Ça joue. Avec Marie-Michel Dupuis aussi. C'est tous les jours, là, avec l'heure, là. C'est là le jour, là. Celui qui finit par dit, là. Dit, ah, ouais, c'est. Il y en a pas mal. c'est comme Stefano Fajita, là. Stefano. Le chef à la télé. Stefano Fajita, il s'appelle la même, ça. C'est un nom prédestiné. Fajita. C'est comme si toi, tu t'appelais François-Olivier, animateur radio. Calzone. Calzone Campus. Mettons, si t'appelais Calzone Campus, là, ce serait vraiment super. Ouais, ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou, ça. C'est fou. Lâche ta chèvre. Laisse ma chèvre en dehors de ça. Pas de Jetta, là, Jet. Pas de Jetta, non. Ben, ça a du rythme aussi, une Jetta. Ouais, mais ça part pas tout le temps. Moi, je l'avais jamais entendu. Ah non, jamais, non. Jamais. J'étais vierge de Wizard. Wizard. Wierge. Wierge. Si tu veux. Tout à fait. Tout à l'heure, on va revenir, hein, évidemment, parce qu'à la radio, on fait ça. On va en musique, on revient, on va en musique, on revient, on va en musique, on revient, on va en musique, on revient. Pause, musique, on revient. Ouais, c'est ça, j'ai oublié les pauses, là, parce que là, à un moment donné, c'est connais que c'est un fait. Ah oh, ouais. C'est débile. C'est débile au 89.fm. C'est la fin de la première heure d'assemblage requis ou comme on appelle R. L'R. Non, mais assemblage requis. A-R-R. Oh. Comme un pirate. Là, pas compris. Parce que demain est un autre jour. Hein? Tout à fait. Mais pas meilleur. Peut-être. Sûrement, on en fait. On sait pas. Toutes les journées sont belles. De toute façon, en se levant, en se réveillant avec assemblage requis. Hein? Ben oui. C'est bien dit, non? Certainement. C'est un slogan de la mort, ça. Écoute, on pourrait le prendre. Ben oui. Je me rappelle déjà.